إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous commençons aujourd'hui la méditation d'un des récits les plus surprenants et les plus riches en enseignements que l'on trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 3 de Surat Yusuf: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Nous te racontons le meilleur récit par la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Parmi ces récits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a racontés dans le Coran, il y a celui qu'il commence à mentionner au verset suivant, qui est le récit de Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné son récit de manière précise et détaillée dans une seule et même sourate. La simple lecture de cette sourate est suffisante pour comprendre et connaître ce que Yusuf alayhi salam a vécu, sans même avoir besoin d'explication en réalité. En effet, on trouve dans cette sourate les différents événements et les différentes épreuves que Yusuf alayhi salam a subies et qui sont riches en leçons et en enseignements. Et nous allons aujourd'hui méditer, incha'Allah ta'ala, sur deux de ces événements qui ont marqué la vie de Yusuf alayhi salam. À commencer par sa vision, qui fut le commencement de ce qu'il allait connaître comme élévation ici-bas et dans l'au-delà, puis le récit du complot de ses frères qui le jetèrent et l'abandonnèrent au fond d'un puits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 4 de Surat Yusuf: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Quand Yusuf dit à son père qui, comme on a dit, est Yaqub, le fils de Ishaq, le fils de Ibrahim alayhimu salatu wassalam: Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ce rêve fut donc comme une introduction de ce qu'allait connaître Yusuf alayhi salam. En effet, comme on l'a vu dans le cours d'hier, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose parmi les choses éminentes et importantes, il en prépare les causes, et ce dans le but que le serviteur s'y prépare. Et tout ceci fait partie de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Yaqub alayhi salam interpréta donc le rêve de son fils en lui disant que le soleil était sa mère, la lune son père, et les 11 étoiles ses frères. Et il l'informa que leur situation allait changer jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils seraient soumis à lui car ils seraient puissants et qu'ils se prosterneraient devant lui afin de l'honorer. Et il lui annonça aussi qu'il ferait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs et qu'il lui accordera la science de l'interprétation des rêves. Il lui dit ensuite: Ya Bunay, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani 'aduwwun mubin. Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. C'est-à-dire qu'en apprenant que tu deviendrais supérieur à eux, il se peut que tes frères t'envient et soient pris de jalousie jusqu'à monter un complot contre toi. Et il lui précise la raison en lui disant: le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. C'est-à-dire que le diable ne se lasse pas de faire des efforts jour et nuit afin d'égarer les hommes, comme en semant entre eux la corruption et la discorde. C'est pour cela qu'il convient à l'homme de s'éloigner de tout ce qui pourrait être la cause d'un mal. Yusuf alayhi salam se soumit donc à l'ordre de son père et n'en informa pas ses frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Il y avait certainement Yusuf et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. C'est-à-dire que leur récit contient de nombreuses leçons, de nombreux bénéfices, de nombreux enseignements, et ce, sur différents sujets. Mais ces bénéfices, ces enseignements et ces leçons n'en profitent que ceux qui les recherchent, ceux qui veulent s'instruire, contrairement à ceux qui se détournent et n'interrogent pas, qui ne peuvent en rien en profiter. Les frères de Youssouf alayhi salam discutèrent donc entre eux et se dirent: La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Yusuf et son frère, c'est-à-dire Benyamin, son frère germain, sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes plus nombreux qu'eux. Notre père est vraiment dans un égarement évident. C'est-à-dire qu'ils considérèrent que leur père avait commis une erreur évidente et flagrante, étant donné qu'il favorisait Yusuf et son frère germain. Et ce, sans aucune raison apparente pouvant justifier cela. Ils voulurent donc remédier à cela et se dirent: Uqtulu Yusuf, tuez Yusuf, aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, ou bien éloignez-le en une contrée, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. C'est-à-dire tuez-le ou éloignez-le de son père en l'abandonnant dans une terre lointaine, une terre où il ne pourra plus le voir. Si vous faites une de ces deux choses, vous pourrez alors profiter seul de votre père, ainsi que de son amour et de son affection. Et ils dirent: Watakunu min ba'dihi qawman salihin. Et vous serez après cela, c'est-à-dire après avoir éloigné votre frère, des gens vertueux, c'est-à-dire que vous vous repentirez à Allah subhanahu wa ta'ala et implorerez son pardon pour ce péché, qui sera alors pardonné. On voit donc qu'ils eurent au préalable la volonté de se repentir avant même d'avoir commis le péché. Et l'objectif de cela n'était pas en réalité de faire le bien, mais de faciliter leur passage à l'acte, afin d'en atténuer la gravité et de s'encourager les uns les autres, pensant ainsi que, étant donné qu'ils ont l'intention de se repentir, le péché était de moindre gravité. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. L'un d'eux dit, c'est-à-dire l'un de ses frères, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le dans les profondeurs du puits, afin qu'une caravane le recueille, si vraiment vous êtes décidé à agir. C'est-à-dire qu'un de ses frères prit conscience qu'il n'était pas nécessaire de commettre ce crime atroce pour se débarrasser de Youssouf, mais qu'il suffisait de l'éloigner pour atteindre le but recherché. Ils s'entendirent donc pour le jeter au fond d'un puits, en le menaçant de ne rien dire à leur sujet, mais de se faire passer pour un esclave qui avait pris la fuite, et ce afin que des voyageurs faisant halte à cet endroit puissent le recueillir et l'emmener dans un endroit lointain pour s'occuper de lui. Et celui qui fit cette suggestion, il fut en réalité le plus bon envers Youssouf. C'est celui qui eut le plus de compassion envers lui, car le mal causé fut ainsi moindre que le mal qu'il y aurait eu dans le fait de le tuer. Une fois qu'ils se mirent d'accord sur cela, ils se rendirent auprès de leur père et dirent: Ya Abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf, wa inna lahu lanasihun. Ô notre père, qu'as-tu à ne pas nous confier Yusuf, alors que nous sommes bien intentionnés à son égard? C'est-à-dire, pourquoi as-tu peur, alors que rien ne justifie cette peur, étant donné que nous ne lui voulons que le bien? Nous avons de la compassion pour lui, et nous voulons pour lui ce que nous voulons pour nous-mêmes. On voit donc que Yaqub alayhi salam était craintif à ce sujet. Ils refusaient de le laisser partir avec eux. Ils firent donc tout pour le convaincre et s'innocenter de toute mauvaise intention, et ce afin de le rassurer. Ils lui dirent: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Envoie-le demain avec nous afin qu'il puisse faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Yaqub alayhi salam leur répondit: Inni la yahzununi an tadhhabu bi. Certes, il m'attristerait que vous l'emmeniez. Yaqub alayhi salam aimait tellement Youssouf qu'il voulait qu'il reste toujours auprès de lui. Et il était triste à la simple idée de le voir s'éloigner, ne serait-ce que pour une courte période. Ceci est la première raison qui motivait son refus. Et la deuxième, il dit: Wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Et je crains que le loup ne le dévore à un moment où vous ne ferez pas attention à lui. C'est-à-dire qu'il craignait que le loup profite d'un moment d'inattention ou de négligence de ses frères, puis qu'il l'attaque sans qu'il ne puisse rien faire étant donné qu'il était petit et n'avait pas les capacités de pouvoir le repousser. Ils lui dirent alors pour le rassurer: La'in akalahu dhi'b wa nahnu 'usba, inna idhan la khasirun. Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons alors vraiment perdants. C'est-à-dire que si le loup arrive à prendre le dessus sur nous, alors que nous sommes nombreux et que nous veillons sur lui, et qu'il arrive à le manger, alors c'est qu'il n'y a aucun bien à espérer en nous. Ils réussirent ainsi à convaincre leur père de le laisser partir avec eux. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs du puits, nous lui révélâmes: Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'y attendent. Allah subhanahu wa ta'ala fit cette révélation à Yusuf alayhi salam à ce moment difficile et l'informa qu'il les interrogera à ce sujet un jour où ils auront certainement oublié. Et ceci est une bonne annonce pour Yusuf alayhi salam, car il sait à ce moment qu'il sortira de cette épreuve sain et sauf, et qu'il en sortira même victorieux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: Waja'u abahum isha'an yabkun. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils sont rentrés plus tard que d'habitude. Ils sont rentrés en pleurant, et ce afin que leurs mensonges et leurs complots paraissent vrais, et que leur père croie en leur véracité. Ils dirent: Ya Abana, inna dhahabna nastabiq, wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, fa akalahu dhib, wa ma anta bimu'minin lana, wa law kunna sadiqin. Ils dirent: Ô notre père, nous sommes allés faire la course, et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires, c'est-à-dire afin qu'il puisse se reposer, et le loup l'a dévoré. Il l'a dévoré en notre absence. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. C'est-à-dire qu'ils présentèrent leurs excuses, en sachant pertinemment que Ya'qub, alayhi salam, ne les croirait pas. Mais ils prétendirent que cela était dû à sa tristesse, étant donné qu'il était triste, en raison de la nouvelle dont ils l'informèrent, ils prétendirent que ceci était la raison qui poussait Ya'qub à ne pas les croire. Et ils dirent que ceci ne les empêchait pas de lui présenter tous les éléments démontrant qu'ils étaient excusés selon eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ils apportèrent sa tunique, la tunique de Yusuf alayhi salam, tachée d'un faux sang. Et ils prétendirent que c'était le sang de Yusuf alayhi salam. Mais Ya'qub alayhi salam ne les crut pas du tout en cela, il dit: Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Ya'qub alayhi salam comprit qu'ils complotèrent afin de les séparer de Yusuf, et il se basa pour cela sur des indices qu'il avait remarqués au préalable, mais aussi sur le rêve que Yusuf alayhi salam lui avait raconté, car ce rêve était une preuve évidente qu'il n'avait pas pu être tué. Il s'en remit donc à Allah subhanahu wa ta'ala, implora son aide et se résigna à patienter face à cette dure épreuve. Il dit: Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience, et c'est d'Allah qu'on implore le secours contre ce que vous racontez. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ensuite qu'une caravane de voyageurs passa à proximité du puits dans lequel se trouvait Yusuf alayhi salam et qu'ils y firent halte. Il dit subhanahu wa ta'ala: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Puis vint une caravane et ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam resta dans le puits jusqu'à ce que passe une caravane de voyageurs se dirigeant vers l'Égypte. Ils firent donc halte auprès de ce puits et allèrent y chercher de l'eau. Et lorsque celui qui allait chercher l'eau descendit son seau dans ce puits, Yusuf alayhi salam s'accrocha au seau afin de sortir du puits. L'homme dit alors: Ya Bushra, hada ghulam, quelle bonne trouvaille, voici un garçon. Et ses frères se trouvaient à proximité. Et ils prétendirent alors qu'il était un esclave qui avait fui de leur maison. Ils leur proposèrent alors de le vendre à un vil prix. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانوا فيه من الزاهدين. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. C'est-à-dire que leur seul objectif était de le voir disparaître et qu'il soit loin de leur père. Ils leur vendirent donc pour un prix insignifiant, en leur recommandant de ne pas le laisser s'échapper de nouveau. La caravane reprit alors la route avec Youssouf alayhi salam, et lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, ils le vendirent eux aussi. Et Youssouf alayhi salam fut acheté par l'intendant d'Égypte. Et Youssouf alayhi salam lui plut beaucoup. Il recommanda donc à sa femme de bien s'en occuper. Il lui dit « Akrimi mathwa, asa an yanfa'ana, aw nattakhidahu walada. » Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile, c'est-à-dire qu'il nous soit utile comme un servant peut nous être utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Il se peut qu'ils n'avaient pas d'enfant et qu'ils voulurent alors prendre Youssouf alayhi salam comme leur enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » Ainsi avons-nous raffermé Youssouf dans le pays où nous lui avons appris l'interprétation des rêves. C'est-à-dire que suite à cela, Youssouf alayhi salam put se consacrer à la science et à son apprentissage. Et cette situation fut pour lui l'occasion d'apprendre beaucoup de sciences en ce qui concerne les jugements et en ce qui concerne l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait ce qui est bon pour ses serviteurs. Tandis que nous, nous pouvons l'ignorer. Il se peut qu'une chose paraisse pour nous mauvaise, mais que sa finalité soit en réalité un grand bien pour nous. C'est pour cela qu'il convient aux serviteurs de toujours être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. Youssouf alayhi salam se retrouva donc honoré dans la demeure de l'intendant d'Égypte, mais il fit face dans cet endroit à une nouvelle épreuve que nous verrons dans le cours de demain, inshallah ta'ala. On tire donc de cette partie du récit de nombreux bénéfices et de nombreux enseignements. La première leçon ou le premier enseignement est qu'il convient à l'homme de s'éloigner de tout ce qui pourrait être la cause d'un mal, même si cette chose n'est pas un mal en soi. En effet, regardez comment Yaqub alayhi salam a ordonné à son fils de ne pas informer ses frères de son rêve, alors qu'en soi, il n'y avait pas de mal en cela, car ceci était une nouvelle réjouissante. Mais Yaqub alayhi salam, de ce qu'il savait de ses enfants, pensait que ceci pourrait être la cause d'un mal à l'encontre de Youssouf, et que ceci pourrait alors comploter contre lui et lui causer du tort. Il l'informa donc de ne pas les informer de cela. Et en ce sens, on trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque l'un d'entre nous fait un bon rêve, c'est-à-dire qu'il voit dans son sommeil une chose qui le réjouit, alors qu'il en informe ceux qu'il aime, qu'il en informe les gens qu'il aime, c'est-à-dire qu'il n'en informe pas les gens qui, à l'écoute de cette nouvelle réjouissante, pourraient alors être pris de jalousie, l'envier ou lui causer du tort. Et de la même manière, il convient à la personne de cacher toute information qui pourrait être la cause d'un méfait ou d'un mal. Mais dites à ce sujet, sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe un de ses compagnons du droit d'Allah sur ses serviteurs et du droit des serviteurs sur Allah. Il lui dit le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore sans ne lui donner aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah et qu'il ne châtiera pas ceux qui ne lui donnent aucun associé. Alors le compagnon à l'écoute de cette bonne nouvelle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis-je en informer les gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, ne les informe pas car ils se reposeraient sur cela. C'est-à-dire que bien que cela soit une bonne nouvelle, il se peut qu'il y ait un méfait dans le fait d'en informer les gens. Il se peut qu'en écoutant cela, ils se reposent sur cette bonne nouvelle et délaissent la multiplication des bonnes œuvres. Il est donc légiféré en certaines situations de cacher certaines informations à certaines personnes par crainte d'un méfait. Le deuxième enseignement est la mise en garde contre l'envie et la jalousie. Et que cette maladie peut être la cause de nombreux méfaits et même de nombreux péchés, même entre frères et sœurs. Regardez ici comment la jalousie aurait pu pousser les frères de Youssouf alayhi salam au meurtre. Ils eurent l'idée de le tuer. Et cette jalousie les a poussés à comploter contre lui, et les a poussés au mensonge et à la manigance. Tout ça pourquoi? Car ils étaient jaloux de l'affection que leur père avait pour Youssouf. Donc lorsque tu vois que l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs a été gratifié d'un bienfait, il te convient de te réjouir pour lui, d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, et ne pas ressentir en toi ce sentiment de jalousie qui pourrait te pousser à œuvrer de sorte à ce que ton frère ou ta sœur soit privé de ce bienfait. S'il a été comblé de ce bienfait, et que toi aussi tu aimerais profiter de ce bienfait, alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'en comble également. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder de sa grâce. Mais ne souhaite pas la disparition de ce bienfait dont profite ton frère ou ta sœur. Car, comme on l'a vu dans un cours précédent, ceci est une maladie dont il convient aux croyants de se débarrasser et de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre celle-ci. Et on a vu en détail, dans un cours précédent, de nombreux bénéfices à ce sujet. La troisième leçon que l'on tire de ce récit, c'est l'obligation d'être équitable, et notamment d'être équitable entre les enfants. Car le manque d'équité peut mener les enfants à être jaloux les uns des autres et à se causer du tort en raison de ce manque d'équité. On voit ici que la raison qui a poussé les frères de Youssouf alayhi salam à l'éloigner de leur père, c'est que leur père lui manifestait plus d'amour et d'affection qu'il n'en manifestait à eux. Il convient donc aux parents de faire preuve d'équité entre leurs enfants, que ce soit dans les dons ou les cadeaux, mais également dans l'amour et l'affection. On rapporte de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'ils faisaient de grands efforts pour être équitables entre leurs enfants, même dans les embrassades. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux embrassait un de ses enfants, il faisait en sorte d'embrasser les autres aussi, afin de ne pas être injuste. Et c'est ainsi qu'il convient aux musulmans d'agir vis-à-vis de ses enfants. Et tu dois prendre garde à ne pas favoriser un de tes enfants en dehors des autres, en accordant à l'un d'eux plus d'affection, plus de cadeaux, et ainsi de suite. Mais il est obligatoire de faire preuve d'équité entre eux. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit est qu'il fait partie de la ruse du diable afin de te pousser au péché, de te faire penser au repentir. En effet, lorsque ton âme incitatrice au mal te pousse à accomplir un péché, le diable vient enjoliver ce péché en te rappelant la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, en te rappelant que celui qui se repent de ses péchés, il est comme celui qui n'a pas de péché. Il vient alors et te suggère de commettre ce péché, et te dit « Ne t'inquiète pas, tu vas commettre ce péché, mais après tu vas te repentir. » Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et tout ceci a pour objectif que tu commettes ce péché, de t'encourager à le commettre, et non pas de t'encourager à t'en repentir. Mais il veut par cela te faire oublier les conséquences néfastes des péchés, en te faisant croire que tu pourras forcément t'en repentir. Or, tu dois savoir que ceci est très dangereux. Et ne pense pas que tu auras forcément l'occasion de te repentir de ce péché. Il se peut que la mort te vienne alors que tu es en train de commettre ce péché. Tu rencontreras alors ton Seigneur dans cette situation horrible, cette situation vile, dans un état de désobéissance, wal'iyadu billah. Également, il se peut que se produisent certains événements qui t'empêcheront par la suite de te repentir. Ou alors il se peut que ce péché soit la cause de ton égarement, et qu'après l'avoir commis une première fois, tu t'y adonnes, que tu y prennes plaisir, que tu t'y accoutumes, et que tu ne puisses plus t'en détacher. Donc prends garde à ne pas te dire « Je le commets une fois, ce n'est pas si grave et je me repentirai. » Non, il se peut que tu n'aies jamais l'occasion de t'en repentir. Rappelle-toi de cela lorsque ton âme te pousse à ce péché, et fais des efforts pour t'en écarter, t'en détacher, et ne pas tomber dans ce péché, et implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de te faciliter en cela. Et si malgré tout tu fais un faux pas, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala repentant et implore son pardon. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit est que l'homme ne doit jamais désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi nombreuses soient les difficultés, aussi dures soient les épreuves, même si en apparence la situation peut paraître mauvaise et ne laisse apparaître aucune issue, tu dois avoir la certitude qu'il y a un bien dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Et il se peut que ces épreuves et ces difficultés, bien qu'en apparence elles soient mauvaises, elles comportent en réalité un grand bien pour toi. Il se peut que ces épreuves soient une cause pour que tu puisses revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ces difficultés soient une cause te permettant de t'humilier devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer sans cesse. Combien de personnes, lors des difficultés, se sont repenties de leurs péchés et ont emprunté par la suite le chemin de la droiture. Également, combien de personnes vertueuses ont pu profiter des difficultés qui les ont touchées pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'apprentissage de la science, à l'apprentissage du Coran, et ainsi de suite. Regarde ici Yusuf alayhi salam, est jeté par ses frères dans le puits, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'avait au préalable informé qu'il serait honoré, qu'il lui donnerait le pouvoir et la puissance. Donc cette épreuve était en réalité la première étape pour atteindre cette noble situation. Allah subhanahu wa ta'ala allait d'abord lui faire goûter certaines difficultés et certaines épreuves avant, comme on le verra au final, de l'honorer. Donc tu ne dois pas désespérer lorsque tu vois les difficultés venir les unes après les autres, mais tu dois avoir la ferme conviction que si tu t'en remets à Allah, et que tu agis de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala lors de la venue de ces difficultés, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une issue favorable. Et celui qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue. La sixième leçon, le sixième enseignement que l'on tire de ce récit, et ceci est une très bonne leçon pour toute personne qui pourrait servir d'arbitre ou de juge lors de conflits entre différentes personnes. Tu ne dois pas te laisser tromper par les apparences du plaignant. Il se peut qu'il vienne en pleurant, il se peut qu'il vienne avec certaines choses, laissant penser à sa véracité. Mais la personne doit regarder plus loin que cela et prendre soin d'examiner l'affaire sous ses différents aspects et ne pas s'empresser dans son jugement. En effet, ici, Yaqub alayhi salam, ses fils se sont présentés à lui. En pleurant, il se rentrait plus tardivement que d'habitude, laissant penser que il s'était produit quelque chose, un événement inhabituel. Ils sont venus avec la tunique de Yusuf alayhi salam, sur laquelle ils avaient mis du sang, en faisant croire que c'était le sien, et lui dire que Yusuf alayhi salam s'était fait manger par le loup. Tous ces éléments laissaient penser à leur véracité. Toutefois, Yaqub alayhi salam a fait prévaloir ce dont il avait la certitude, car il avait d'autres indices qu'il avait remarqués au préalable, lui laissant penser qu'ils étaient menteurs et qu'ils avaient comploté contre leurs frères afin de l'éloigner de leur père. Enfin, la septième leçon que l'on tire de ce récit est l'obligation de patienter lors des épreuves et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsque tu subis une injustice. Et nous avons l'exemple de Yaqub alayhi salam qui ici subit cette injustice de la part de ses fils qui lui ont retiré Yusuf alayhi salam, mais malgré cela, il dit qu'il s'en résigne à patienter et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et implore son aide et son secours. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir. Si une personne est injuste envers toi, ne sois pas toi injuste envers elle. Ne cherche pas à lui causer du tort, mais implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala et aie la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te secourira tôt ou tard, car Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation de l'opprimé. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que font les injustes, mais remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala, implore son aide et son secours, et patiente, et tu trouveras, bi'idhnillahi ta'ala, les fruits de cette patience, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, car Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une issue, et dans l'au-delà, tu trouveras la récompense de ta patience. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera la suite de ce récit dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.